Chapitre 4. Encore plus de souffrance et d'amour. 1677-1681. Marguerite Marie aurait-elle pu être efficacement l'apôtre du Sacré-Cœur si elle n'eût d'abord été sa victime? Un jour, notre Seigneur se présente à elle. Il tenait en chacune de ses mains un tableau. Dans l'un était figurée la vie la plus heureuse possible pour une âme religieuse. Paix, consolation intérieure et extérieure, santé, estime et applaudissement des créatures. L'autre tableau était la peinture d'une vie toute pauvre et abjecte, toujours crucifiée par toutes sortes d'humiliations, mépris et contradictions, toujours souffrante au corps et en l'esprit. Notre Seigneur lui dit : Choisis, ma fille, celui qui t'agréera le plus. Je te ferai les mêmes grâces au choix de l'un comme de l'autre. Dans son ardeur, elle se jette à ses pieds pour l'adorer, disant « Ô mon Seigneur, je ne veux rien que vous, et le choix que vous ferez pour moi. » Mais le Sauveur la pressait toujours de choisir. « Vous m'êtes suffisant, ô mon Dieu. Faites pour moi ce qui vous glorifiera le plus, sans avoir nul égard à mes intérêts ni satisfactions. Contentez-vous, et cela me suffit. » Alors il me dit qu'avec Madeleine, j'avais choisi la meilleure part qui ne me serait point ôtée, puisqu'il serait mon héritage pour toujours. Et me présentant ce tableau de crucifixion, « Voilà, me dit-il, ce que je t'ai choisi et qui m'agrée le plus, tant pour l'accomplissement de mes desseins que pour te rendre conforme à moi. L'autre est une vie de jouissance et non de mérite. C'est pour l'éternité. » J'acceptais donc ce tableau de mort et de crucifixion, en baisant la main qui me le présentait. Et quoique la nature en frémît, je l'embrassais de toute l'affection dont mon cœur était capable. Et en le serrant sur ma poitrine, je le sentis si fortement imprimé en moi qu'il me semblait n'être plus qu'un composé de tout ce que j'y avais vu représenté. Une autre fois, comme il considérait notre Seigneur sur l'arbre de la croix, il la tint fortement attachée à lui, puis il lui dit « Reçois, ma fille, la croix que je te donne et la plante dans ton cœur, l'ayant toujours devant les yeux et la portant entre tes bras. Les plus rigoureux tourments qu'elle te fera seront inconnus et continuels. Une faim sans te rassasier, une soif sans te désaltérer, une ardeur sans rafraîchissement. » Et ne pouvant comprendre ces paroles, je dis, « Mon Dieu, donnez-moi l'intelligence de ce que vous voulez que je fasse. L'avoir dedans ton cœur, c'est qu'il faut que tout y soit crucifié. L'avoir devant tes yeux, c'est qu'il faut être crucifié en toutes choses, et la porter entre tes bras, c'est l'embrasser amoureusement toutes les fois qu'elle se présente, comme le plus précieux gage de mon amour que je te peux donner en cette vie. Cette fin continuelle des souffrances est pour honorer celle que j'avais de souffrir pour glorifier mon Père éternel. Cette soif sera de moi et du salut des âmes, en mémoire de celle que j'ai eue sur l'arbre de la croix. » Il y a souvent dans la vie des saints des actions qui nous semblent exagérées, mais elles ne sont que la conséquence de l'amour de Dieu qui les ravit hors d'eux-mêmes. Ce furent ces transports de l'amour divin qui poussèrent parfois Marguerite Marie à de véritables excès de mortification. Deux traits surtout sont demeurés caractéristiques et dépassent étrangement tout ce qu'on peut imaginer. En ce temps-là, l'humble sœur était de nouveau aide à l'infirmerie. « J'étais si fort douillette, écrit-elle, que la moindre saleté me faisait bondir le cœur. »« Quoi de surprenant à cela, dira-t-on. Mais il faut penser que le souverain maître a de divines sévérités pour ses élus. » Or, il reprit si fortement sa généreuse disciple de ce mouvement instinctif de répulsion, que, pour se punir elle-même et sans consulter la raison, elle absorba spontanément le vomissement d'une malade qu'elle soignait. En cette circonstance, elle obéissait à l'impétuosité de son amour pour notre Seigneur. Alors tout lui devenait expédient. Si j'avais 1000 corps, 1000 amours, 1000 vies, je les immolerais pour vous être asservie, disait-elle à son bien-aimé. Il ne fut pas longtemps à lui prouver combien il avait béni la violence qu'elle s'était faite. La suite du récit ne laisse aucun doute à ce sujet. Et lors, je trouvais tant de délices dans cette action que j'aurais voulu en rencontrer tous les jours de pareil, pour apprendre à me vaincre et n'avoir que Dieu pour témoin. Mais sa bonté, à qui seule j'étais redevable de m'avoir donné la force de me surmonter, ne laissa pas de me témoigner le plaisir qu'il y avait pris. Car la nuit ensuite, si je ne me trompe, Il me tint bien environ 2 ou 3 heures la bouche collée sur la plaie de son Sacré-Cœur. Et il me serait bien difficile de pouvoir exprimer ce que je sentis alors, ni les effets que cette grâce produisit dans mon âme et dans mon cœur. Mais cela suffit pour faire connaître les grandes bontés et miséricordes de mon Dieu sur un sujet si misérable. Elle eut bientôt une autre occasion de satisfaire, plus incroyablement encore, son besoin d'apprendre à se vaincre, n'ayant que Dieu pour témoin. Une fois qu'elle s'était encore laissée aller à quelques soulèvements de cœur en servant une malade, notre Seigneur renouvela sa réprimande intérieure, mais avec une telle autorité que n'importe quoi paraissant plus supportable à sœur Marguerite Marie que d'avoir mécontenté son Dieu, afin de réparer sa faute, elle se livra sur le champ à un acte si répugnant pour la nature que personne au monde n'aurait pu le conseiller ni le permettre. Notre Seigneur même dut arrêter son héroïque servante, puis il lui dit : « Tu es bien folle de faire cela. » « Oh, mon Seigneur, reprit-elle, je le fais pour vous plaire et pour gagner votre divin cœur, et j'espère que vous ne le refuserez pas. Mais vous, mon Seigneur, que n'avez-vous pas fait pour vous gagner celui des hommes? Et cependant, il vous le refuse et vous en chasse bien souvent. Il est vrai, ma fille, que mon amour m'a fait tout sacrifier pour eux, sans qu'ils me le rendent en retour. Mais je veux que tu supplies par les mérites de mon Sacré-Cœur à leur ingratitude. Je te le veux donner, mon cœur. Mais auparavant, il faut que tu te rendes sa victime d'immolation, pour que, avec son entremise, tu détournes les châtiments que la divine justice de mon père, armée de colère, peut exercer sur une communauté religieuse pour la reprendre et corriger en son juste courroux. » Et me la faisant voir à la même heure, avec les défauts particuliers qu'il avait irrités et tout ce qu'il me fallait souffrir pour apaiser sa juste colère, ce fut alors que tout frémit en moi et n'eut pas le courage de me sacrifier. Il n'y a pas à le cacher, ni à l'atténuer, c'est un fait historique qui d'ailleurs tournera plus tard à la gloire du Sacré-Cœur. Cette communauté pour laquelle Dieu exigeait que Marguerite Marie s'offrit en victime, c'était la Visitation Sainte-Marie de Paray-le-Monial. Bien que régulière et très observante, de graves défauts s'y étaient glissés. Entre autres, on n'y pratiquait plus la charité et l'humilité au degré voulu pour les âmes religieuses. Et voilà pourquoi le rôle de celle que notre Seigneur choisissait pour apaiser sa colère devenait doublement délicat. Un combat indicible s'engagea alors entre cette âme et son maître. Il veut qu'elle s'immole à sa justice. Je dis que, n'étant pas à moi, je ne pouvais le faire sans le consentement et de l'obéissance. Mais la crainte que j'avais qu'on ne me le fît faire, me fit négliger de le dire, mais il me poursuivait sans cesse et ne me donnait point de repos. Je me fondais en larmes, et me voyant enfin contrainte de le dire à ma supérieure, laquelle, voyant ma peine, me dit de me sacrifier à tout ce qu'il désirait de moi sans réserve. Mais mon Dieu, ce fut alors que ma peine se redoubla encore plus fort, car je n'avais point le courage de dire oui et je résistais toujours. L'année 1677 s'achevait, or le 21 novembre, fête de la présentation de la très sainte Vierge, les religieuses de la Visitation renouvellent leurs vœux solennellement. C'est par 3 jours de retraite qu'elles se préparent à cette renovation. Que se passait-il alors au plus intime de l'être de notre sainte? En dernière analyse, cela est resté son secret. Cependant, elle soulève suffisamment le voile de douleur qui l'enveloppe en cette rencontre pour qu'il nous soit permis d'assister à une scène d'autant plus émouvante qu'elle est plus mystérieuse. Cette humble religieuse a été prédestinée pour reproduire en elle l'image de son Jésus souffrant. Comme lui, elle aura sa nuit d'agonie. Comme lui, elle sera, pour ainsi dire, traînée de tribunal en tribunal. Le Seigneur permettra tout, parce que, à ses yeux divins, rien ne vaut l'immolation d'une âme en union avec l'adorable victime de Gethsémani et du Calvaire. On était arrivé au samedi 20 novembre, veille de la présentation. Cette divine justice me parut armée d'une manière si terrible que j'en demeurais tout hors de moi, et ne pouvant m'en défendre, il me fut dit comme à saint Paul. Il était bien dur de regimber contre les traits de ma justice, mais puisque tu m'as fait tant résistance pour éviter les humiliations qu'il te conviendra souffrir par ce sacrifice, je te les donnerai au double. Car je ne te demandais qu'un sacrifice secret, et maintenant je le veux public, et d'une manière et dans un temps hors de tout raisonnement humain, et accompagné de circonstances si humiliantes qu'elles te seront un sujet de confusion pour le reste de ta vie, et dans toi-même et devant les créatures, pour te faire comprendre ce que c'est que de résister à Dieu. Hélas, je le compris bien en effet, car jamais je ne me vis en tel état. En voici quelques petites choses, mais non pas tout. Donc, sœur Marguerite Marie l'avoue, elle supprime beaucoup de choses, notamment ce que notre Seigneur lui dit, touchant la manière dont il voulait qu'elle se sacrifiât. Mais d'après certaines expressions, d'après les règles et les coutumes de la visitation, il n'est pas difficile de la conjecturer. Néanmoins, il est nécessaire de noter que la sainte ne s'explique pas là-dessus en toutes lettres. Reprenons l'autobiographie. Après donc l'oraison du soir, je ne pus sortir avec les autres et je demeurai au chœur, jusqu'au dernier coup du souper, dans des pleurs et gémissements continuels. Je m'en allais faire collation, car c'était la veille de la présentation, et m'étant traînée à vive force à la communauté, je m'y trouvais si fortement pressée de faire ce sacrifice tout haut, en la manière que Dieu me faisait connaître le vouloir de moi, que je fus contrainte de sortir pour aller trouver ma supérieure qui était malade pour lors. Et je confesse que j'étais tellement hors de moi que je me voyais comme une personne qui aurait pieds et mains liés et à qui il ne resterait plus rien de libre en l'intérieur ni pour l'extérieur, que les larmes que je versais en abondance, pensant qu'elles étaient la seule expression de ce que je souffrais, car je me voyais comme la plus criminelle du monde, traînée à force de cordes au lieu de mon supplice. Je voyais cette sainteté de Dieu armée des traits de sa juste colère, prête à les lancer pour m'abîmer, si me semblait dans cette gueule béante de l'enfer que je voyais ouvert, prête à m'engloutir. Je me sentais brûlée d'un feu dévorant qui me pénétrait jusqu'à la moelle des os, et tout mon corps dans un tremblement étrange, et ne pouvais dire autre chose sinon « Mon Dieu, ayez pitié de moi selon la grandeur de vos miséricordes. » Et tout le reste du temps, je gémissais sous le poids de ma douleur, sans pouvoir trouver le moyen de me rendre vers ma supérieure, que sur les 8 heures, qu'une sœur m'ayant trouvée me conduisit vers elle. Et elle fut bien surprise de me voir en cette disposition, laquelle je ne pouvais pour lors exprimer. Mais je croyais, pour surcroît de peine, que l'on la connaissait en me voyant, ce qui n'était pas. Ma supérieure, qui savait qu'il n'y avait que la seule obéissance qui avait tout pouvoir sur cet esprit qui me tenait en cet état, m'ordonna de lui dire ma peine. Et aussitôt, je lui dis le sacrifice que Dieu voulait que je lui fisse de tout mon être en présence de la communauté, et le sujet pourquoi elle me le demandait, lequel je n'exprimerai point, crainte de blesser la sainte charité, et en même temps le cœur de Jésus-Christ, dans lequel cette chère vertu prend sa naissance. C'est pourquoi il ne veut point qu'on l'intéresse tant soit peu, sous quel prétexte que ce puisse être. Enfin, ayant fait et dit ce que mon souverain désirait de moi, on en parlait et jugeait diversement. C'est cette dernière phrase qui, dans sa concision, est le nœud de toute la question, car, selon toute vraisemblance, elle signifie que sœur Marguerite Marie, étant rentrée dans la chambre où la communauté se trouvait réunie, avant de se séparer à 8 heures de mi-quart, et en l'absence de la supérieure malade, l'assistante ayant posé la question d'usage, « Vos charités ont-elles quelque chose à dire ?» À ce moment, quelque chose d'extraordinaire eut lieu. On vit sans doute la jeune et timide sœur à la coque tomber à genoux et déclarer à haute voix qu'elle était chargée de par la volonté divine de réparer les fautes de toutes ses sœurs. Au sens humain, un acte semblable dans sa forme présente et ses conséquences futures ne peut se mesurer, surtout quand on pense que celle qui vient de parler est celle-là même dont on se demandait bien peu d'années auparavant s'il était sage de l'admettre au monastère, et quand on songe qu'elle s'adresse alors à une communauté composée de sœurs issues en grand nombre de familles très illustres selon le monde. Et voici que soudain c'est comme un orage qui éclate furieux dans cette communauté. Une sorte d'effervescence s'empare des esprits. La règle est là cependant, il faut se rendre aux matines. La veille des grandes fêtes, elle commence à 8h30. Monseigneur Languet dit que la mère de Sommez, avertie de tout, envoya la sœur assistante d'ordonner de sa part à toutes les religieuses qui étaient encore assemblées pour réciter les matines, de faire la nuit même une certaine pénitence qu'elle leur prescrivit parce que Dieu était fort irrité. Il ajoute que tandis que les plus vertueuses se retiraient dans leurs cellules pour y pratiquer ce que la supérieure avait ordonné, prendre la discipline, les autres sortirent des matines accoururent à l'infirmerie où était encore la sœur à la coque. Elles ne purent apprendre autre chose de ce qui s'était passé, sinon que la sœur avait dit que Dieu était fort irrité contre la maison. Mais ce récit ne fit qu'augmenter leur indignation, remarque Monseigneur Languet. et il dépeint cette indignation sous de fortes couleurs. Plus modestes sont celles qu'emploie la plume de notre sainte quand elle écrit seulement « Je laisse toutes ces circonstances à la miséricorde de mon Dieu, et je puis assurer, s'il me semble, que je n'avais jamais tant souffert, non pas même quand j'aurais pu rassembler toutes les souffrances que j'avais eues jusqu'alors, et toutes celles que j'ai eues depuis, et que toutes ensemble auraient été continuelles jusqu'à la mort. Cela ne me semblerait pas comparable à ce que j'endurais cette nuit, de laquelle notre Seigneur voulut gratifier sa chétive esclave pour honorer la nuit douloureuse de sa passion, quoique ce n'en fût qu'un petit échantillon. L'on me traînait de lieu en lieu avec des confusions effroyables. Et plus loin, l'on crut que j'étais possédée ou obsédée, et l'on me jetait force eau bénite dessus avec des signes de croix, avec d'autres prières pour chasser le malin esprit. Mais celui dont je me sentais possédée, bien loin de s'enfuir, me serrait tant plus fort à lui en me disant « J'aime l'eau bénite, et je chéris si fort la croix que je ne peux m'empêcher de m'unir étroitement à ceux qui la portent comme moi et pour l'amour de moi. » Ces paroles rallumèrent tellement en mon âme le désir de souffrir que tout ce que je souffrais ne me semblait qu'une petite goutte d'eau qui allumait plutôt la soif insatiable que je sentais que de la désaltérer. Quoiqu'il me semble pouvoir dire qu'il n'y avait aucune partie de mon être qui n'eût sa souffrance particulière, tant d'esprit que le corps, et cela sans compassion, ni consolation, car le diable me livrait de furieux assauts, et mille fois j'aurais succombé si je n'avais senti une puissance extraordinaire qui me soutenait et combattait pour moi parmi tout ce que je viens de dire. Cette nuit s'étant donc passée dans les tourments que Dieu connaît, et sans repos, jusqu'au lendemain environ, la Sainte Messe, alors sœur Marguerite Marie entendit ces paroles. Enfin la paix est faite, et ma sainteté de justice est satisfaite par le sacrifice que tu m'as fait. Continuant à parler à sa douce victime, notre Seigneur lui dit « À mon imitation, tu agiras et souffriras en silence, sans autre intérêt que la gloire de Dieu dans l'établissement du règne de mon Sacré-Cœur dans celui des hommes, auquel je le veux manifester par ton moyen. Mon souverain m'a donné ses saints enseignements après l'avoir reçu, mais il ne me sortit point de mon état souffrant. Enfin, ma supérieure, ne sachant plus que faire de moi, me fit communier pour demander à notre Seigneur, par obéissance, de me remettre en ma première disposition. M'étant donc présenté à lui comme son hostie d'immolation, il me dit « Oui, ma fille, je viens à toi comme souverain sacrificateur, pour te donner une nouvelle vigueur afin de t'immoler à de nouveaux supplices. » Ce qu'il fit, et je trouvais tout tellement changé que je me sentais comme un esclave à qui l'on vient de redonner la liberté. Mais cela ne dura guère, car l'on commença à me dire que c'était le diable qui était l'auteur de tout ce qui se passait en moi et qu'il me perdrait si je n'y prenais garde par ses ruses et illusions. Bien loin d'aller à la réprobation, elle allait à la plus héroïque sainteté, acceptant sans restriction aucune de ne plus paraître que comme un objet de contradiction, un dégoût de rebut, de mépris et d'humiliation, lesquels je voyais avec plaisir m'en effondre sur moi de toutes parts. Et, poursuit-elle, sans recevoir aucune consolation du ciel ni de la terre, il semblait que tout conspirait à m'anéantir. J'étais continuellement interrogée, et le peu de réponses que l'on tirait de moi, comme par force, ne laissait pas de servir d'instrument pour augmenter mon supplice. Je ne pouvais ni manger, ni parler, ni dormir, et tout mon repos et occupation n'était que de demeurer prosternée devant mon Dieu, dont la souveraine grandeur me tenait tout anéanti dans le plus profond abîme de mon néant, toujours pleurant et gémissant, pour lui demander miséricorde et détourner les traits de sa juste colère. On sait que sœur Marguerite Marie n'indique jamais les événements par les dates, mais comment ne pas rapporter à cette époque ce qu'elle raconte d'une lutte de charité dans laquelle son ardeur emporta le prix? L'allusion est plus que transparente. M'ayant une fois montré les châtiments qu'il voulait exercer sur quelques âmes, je me jetai à ses pieds sacrés en lui disant « Ô mon Sauveur, déchargez plutôt sur moi toute votre colère et m'effacez du livre de vie, plutôt que de perdre ces âmes qui vous ont coûté si cher. » Et il me répondit « Mais elles ne t'aiment pas et ne cesseront de t'affliger. Il importe, mon Dieu, pourvu qu'elles vous aiment. Je ne veux cesser de vous prier de leur pardonner. Laisse-moi faire. Je ne les peux souffrir davantage. » Et l'embrassant encore plus fortement, « Non, mon Seigneur, je ne vous quitterai point que vous ne leur ayez pardonné. » Et il me disait, « Je le veux bien, si tu veux répondre pour eux. Oui, mon Dieu, mais je ne vous paierai toujours qu'avec vos propres biens, qui sont les trésors de votre Sacré-Cœur. C'est de quoi il se tint content. Ne semble-t-il pas d'ailleurs que notre Seigneur ait pris soin d'abriter lui-même la réputation de la communauté de Paray? Lorsqu'il disait à Marguerite Marie, « Je te fais bien de l'honneur, ma chère fille, de me servir d'instrument si noble pour te crucifier. Mon Père éternel m'a livré entre les mains cruelles des impitoyables bourreaux pour me crucifier. Et moi, je me sers pour cet effet à ton égard des personnes qui me sont dévouées et consacrées, et au pouvoir desquelles je t'ai livré, et pour le salut desquelles je veux que tu m'offres tout ce qu'elles te feront souffrir. Ainsi, ces religieuses qui ont tant fait souffrir leur angélique compagne, était agréable à Dieu, et ce n'est que par une secrète ordonnance de sa sagesse, visant la sanctification de l'humble favorite de son cœur, qu'elles en sont venues à la traiter de la sorte. Tout coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, assure saint Paul. » Achevant de dire les sentiments de notre sainte, je me trouvais tellement engloutie et absorbée dans ma souffrance que je ne me sentais plus d'esprit ni de vie que pour voir et sentir ce qui se passait de douloureux à mon égard. Mais tout cela ne me causait pas le moindre mouvement d'inquiétude ni de chagrin. Il y avait pourtant bien de quoi tomber malade. Nous le savons déjà, elle ne pouvait plus rien manger. On s'en aperçut et on lui en fit des réprimandes. Sa supérieure et son confesseur lui ordonnèrent de prendre tout ce qu'on lui servait à table. Quoique cette prescription lui parût au-dessus de ses forces, elle l'exécuta. Il en résulta des vomissements si fréquents et un tel ébranlement général dans sa santé qu'on finit par la dégager de cette obéissance, lui donnant celle de ne prendre que ce qu'elle pourrait. Sa mortification n'y perdit rien, et se trahit dans cette phrase, « Quelque effort que je me sois fait pour manger indifféremment ce qui m'était présenté, je ne pouvais me défendre de prendre ce que je croyais le moindre, comme le plus conforme à ma pauvreté et mon néant, qui me représentait continuellement que le pain et l'eau m'étant suffisants, tout le reste était superflu. Le manger, je l'avoue, m'a causé de rudes tourments depuis ce temps-là, allant au réfectoire comme un lieu de supplice auquel le péché m'avait condamné. » La mère de Sommez n'avait plus que quelques mois à gouverner la communauté de Paray, lorsque les événements que nous venons de raconter s'y passèrent. À l'ascension de 1678, elle déposait la charge de supérieure et retournait à Dijon, son monastère de profession, pour être élue à Moulins l'année suivante. En s'éloignant de Paray, elle emportait le germe béni de la dévotion au Sacré-Cœur, afin de le répandre plus tard au loin, quand le moment marqué par Dieu serait venu. Elle gardait aussi la conviction que la prophèse du 6 novembre 1672 était une âme de grâce, selon la parole du père de la Colombière. Et lorsqu'en 1690, la mère de Sommez sera priée de dire elle-même quelque chose de ce qu'elle en savait, on pourra lire dans son mémoire ce témoignage non équivoque. Dans l'espace de 6 ans que j'ai connu notre sœur Marguerite Marie à la Coque, je puis assurer que je n'ai pas remarqué qu'elle ait relâché d'un instant à la résolution qu'elle prit, se consacrant à Dieu par la profession religieuse, de le faire régner en elle avant tout, au-dessus de tout et en tout, ne s'étant jamais accordé aucun plaisir, soit pour l'esprit, soit pour le corps. Et cette fidélité lui attira de la divine bonté des grâces et faveurs très particulières, qu'il apportait à un désir très grand des croix, humiliations et souffrances. On pourrait dire, sans exagérer, qu'il n'y a point d'ambition d'honneur et de plaisir plus ardent qu'elle ne l'était de ces choses dont elle faisait sa joie, bien qu'elle y fût très sensible. Qui remplacerait la mère de Sommez auprès de l'humble fille investie d'une si grande mission? La Providence est pourvue, et dans l'admirable économie de ses desseins, elle donnait au monastère de Paray en 1678, une supérieure que l'on peut bien appeler hors ligne, en la personne de la mère Péronne Rosalie Greffier, professe du premier monastère d'Annecy. Encore toute jeune enfant, elle avait été bénie par sainte Chantal. Entrée au premier monastère d'Annecy, à 12 ans comme sœur du petit habit, elle passe au noviciat dès que son âge le lui permet, et ne compte pas encore 17 ans lorsqu'elle fait la sainte profession le 10 août 1655. Elle puise la véritable sève de l'Institut à la racine même, et se l'assimile si parfaitement qu'on la juge capable d'être élue supérieure à Thonon, en 1670, ayant à peine 32 ans. Dieu, qui voulait s'en servir, comme un mandat qu'elle ignorait elle-même, s'était hâté de tout faire mûrir en elle. En 1678, si quelqu'un était préparé pour prendre la direction d'une âme telle que celle de la sœur Marguerite Marie, pour en sonder à fond les états surnaturels et leur imposer l'épreuve du creuset, c'était la mère Griffith. Douée d'un esprit supérieur et d'un jugement exceptionnel, d'un premier coup d'œil, elle comprit la situation et arrêta son plan. Le voici. Lorsque j'entrai au service de votre maison, écrira-t-elle au monastère de Paray après la mort de la sœur à la coque. Bien que votre communauté fût très bonne et remplie de vertu et de piété, je trouvais néanmoins les sentiments fort partagés au sujet de cette véritable épouse du Sauveur crucifié. Et me trouvant sans expérience et sans aide pour la conduire dans des voies si extraordinaires, je me fiais un peu et même beaucoup aux assurances qu'elle me donna, que le Seigneur me ferait agir selon sa sainte volonté à son égard. De sorte que je suivis sans crainte mon penchant naturel qui cherche la paix et la tranquillité. Et afin d'y tenir chacun, je n'ai presque jamais fait mine de faire attention à ce qui se passait d'extraordinaire en cette âme. Je ne la produisais auprès de personne, ni du dedans, ni du dehors. S'il arrivait qu'elle fît quelque chose qui déplût, encore que c'eût été par mon ordre ou avec mon congé, je souffrais qu'on la désapprouvât et je l'en blâmais moi-même quand c'était en sa présence. C'en fut assez pour que sœur Marguerite Marie reconnût que sa nouvelle supérieure agissait d'après l'Esprit de Dieu. Dès lors, elle lui voua une reconnaissance et une affection qui ne feront que grandir tous les jours, et qui, par là même, demeureront à tout jamais purs du soupçon d'être inspirés par des sentiments humains. Consumée du désir de faire connaître et aimer le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, sa bienheureuse disciple ne tarda pas à s'ouvrir là-dessus à celle qui désormais lui tenait la place de Dieu. Je me souviens que la première fois que j'eus le bonheur d'entretenir cette chère sœur, écrit la mère Griffith, elle me parut avoir une ardeur véhémente de trouver les moyens de faire connaître, adorer et aimer ce cœur très adorable à tous les habitants de l'univers, si elle put. D'autre part, la connaissance et le bas sentiment qu'elle avait pour elle-même et qui croissait tous les jours la repoussaient bien loin de cette entreprise. Croyant de bonne foi qu'il suffisait qu'elle s'en mêlât pour tout gâter et inspirer du rebut de cette dévotion qu'elle avait tant à cœur et pour l'établissement de laquelle elle aurait voulu donner 1000 vies. Si elle les avait eues. En attendant, elle se laissait immoler entièrement par l'obéissance. La mère Griffier était femme à frapper de grands coups. Peu après son arrivée à Paris, elle retrancha l'heure de veille, du jeudi au vendredi, à la servante de Dieu. Celle-ci obéit. Mais, rapporte la mère Griffier, souvent pendant cet intervalle d'interruption, elle venait à moi toute craintive, m'exposer qu'il lui semblait que notre Seigneur me savait mauvais gré de ce retranchement, et qu'elle craignit qu'il ne se satisfît là-dessus de quelque manière qui me serait fâcheuse et sensible. Je n'en démordis pas encore, mais voyant ma sœur carrée mourir assez promptement d'un flux de sang, dont personne dans le monastère ne fut malade qu'elle, et quelques autres circonstances qui accompagnèrent la perte d'un si bon sujet, je rendis vite l'heure d'oraison à votre précieuse défunte, la pensée me poursuivant fortement que c'était là la punition dont elle m'avait menacée de la part de notre Seigneur. Sa retraite de l'année 1678 laissa de profonds souvenirs de grâce dans l'âme de sœur Marguerite Marie. Voici ce que mon souverain me fit entendre. Comme je me plaignais de ce qu'il me donnait ses consolations avec trop d'abondance, ne me sentant capable de les soutenir, il me dit que c'était pour me fortifier parce que j'avais à souffrir. Bois et mange, me dit-il, à la table de mes délices pour te rafraîchir, afin que tu chemines courageusement, à la force de ce pain. Car tu as encore un long, pénible et rigoureux chemin à faire, et dans lequel tu auras souvent besoin de prendre haleine et repos dans mon Sacré-Cœur, qui pour cela te sera toujours ouvert, tandis que tu marcheras dans ses voies. Je veux que ton cœur me soit un asile où je me retirerai pour y prendre mon plaisir, lorsque les pécheurs me persécuteront et rejetteront des leurs. Ne t'oublie jamais de ton néant et que tu es la victime de mon cœur, qui doit toujours être disposé d'être immolé pour la charité. Comme je te l'ai promis, tu posséderas les trésors de mon cœur en échange, et je te permets d'en disposer à ton gré en faveur des sujets disposés. N'en sois pas chiche, car ils sont infinis. J'ai encore une rude et pesante croix à mettre sur tes faibles épaules, mais je suis assez puissant pour la soutenir. Ne crains rien et me laisse faire tout ce que je voudrais de toi et en toi. Ce fut vers cette époque que la sainte reçut un gage nouveau de l'amour de son doux maître. Un jour qu'elle était dans une grande souffrance, il lui dit « Ma fille, ne t'afflige pas, car je te veux donner un gardien fidèle qui t'accompagnera partout et t'assistera dans toutes tes nécessités intérieures et qui empêchera que ton ennemi ne se prévaudra point de toutes les fautes où il croira de te faire tomber par ses suggestions, qui retourneront à sa confusion, grâce qui me donne une telle force qu'il me semble n'avoir plus rien à craindre, car ce fidèle gardien de mon âme m'assiste avec tant d'amour qu'il m'affranchit de toutes ses peines. Mais je ne le voyais que lorsque mon Seigneur me cachait sa présence sensible, pour me plonger dans les douleurs très rigoureuses de sa sainteté et de justice. C'était alors qu'il me consolait par ses familiers entretiens, me disant une fois, « Je veux vous dire qui je suis, ma chère sœur, afin que vous connaissiez l'amour que votre époux vous porte. Je suis un des sept esprits qui sont les plus proches du trône de Dieu et qui participent le plus aux ardeurs du Sacré-Cœur de Jésus-Christ. » Une autre fois, il me dit, « Prenez bien garde qu'aucune grâce et caresse familière que vous recevez de notre Dieu ne vous fasse oublier ce qu'il est et de ce que vous êtes. » Car autrement, je tâcherais moi-même de vous anéantir. Cette âme héroïque devait clôturer l'année 1678 par un acte solennel. Notre Seigneur, comme souverain sacrificateur, lui commanda de faire en sa faveur un testament ou donation entière, sans réserve et par écrit, de tout ce qu'elle pourrait faire et souffrir, de toutes les prières et biens spirituels que l'on ferait pour elle, pendant sa vie et après sa mort. Le divin maître entendait que la chose fut faite en règle. Il fit demander par sœur Marguerite Marie à la mère greffier si elle voulait bien servir de notaire en cette affaire, qu'il se chargeait de la payer solennellement. Si la supérieure refusait, la sœur devait s'adresser au père de la colombière. Mais la mère greffier, après avoir pris le temps de réfléchir, s'y prêta très volontiers. Elle écrivit donc elle-même la pièce suivante. Vive Jésus dans le cœur de son épouse, ma sœur Marguerite Marie, pour laquelle et en vertu du pouvoir que Dieu m'a donné sur elle, j'offre et dédie et consacre purement et irrévocablement au Sacré-Cœur de l'adorable Jésus tout le bien qu'elle pourra faire pendant sa vie et celui qui sera fait après sa mort, pour elle, afin que la volonté de ce cœur divin en dispose à son gré et selon son bon plaisir et en faveur de quiconque il lui plaira, soit vivant ou trépassé. Ma sœur Marguerite Marie, protestant qu'elle s'en dépouille volontiers généralement de tout, excepté la volonté d'être à jamais unie au divin cœur de son Jésus et l'aimer purement pour l'amour de lui-même, en foi de quoi elle et moi signons cet écrit le dernier jour de décembre 1678. Sœur Péronne Rosalie Greffier, à présent supérieure, et de laquelle ma sœur Marguerite Marie demandera tous les jours la conversion à ce cœur divin et adorable, avec la grâce de la pénitence finale. La sœur ayant présenté cet écrit à notre Seigneur, il lui en témoigna un si grand agrément et lui dit que, puisque son amour l'avait dépouillée de tout, il ne voulait pas qu'elle eût d'autre richesse que celle de son Sacré-Cœur. Et il lui en fit une donation alors même, la faisant écrire de mon sang selon qu'il la dictait. Et puis je la signai sur mon cœur avec un canif, duquel j'écrivis son sacré nom de Jésus, ajoute l'autobiographie. Consultons les mémoires des contemporains, nous y lirons ce qui suit. Après cette donation faite, je la signai, dit-elle, sur mon cœur, comme mon divin maître le voulait, et je la signe encore ici, sœur Marguerite Marie, disciple du divin cœur de l'adorable Jésus, lequel s'étant donné à moi par la sainte communion, il me fit lire dans ce cœur adorable ce qui était écrit pour moi, ce qui suit est écrit de son sang. Je te constitue héritière de mon cœur et de tous ses trésors pour le temps et l'éternité, te permettant d'en user selon ton désir, et te promets que tu ne manqueras de secours que lorsque mon cœur manquera de puissance. Tu en seras pour toujours la disciple bien-aimée, le jouet de son bon plaisir et l'holocauste de ses désirs. Et lui seul sera le plaisir de tous tes désirs, qui réparera et suppléera tes défauts, et t'acquittera de tes obligations. Essayons d'expliquer plus clairement le fait. Il a besoin d'être étudié pour être bien compris. En voici l'enchaînement logique. Sœur Marguerite Marie présente à notre Seigneur le testament en question et, dans un transport d'amour, grave le Saint-Nom de Jésus sur son cœur. Puis elle signe en ces termes la pièce écrite par la mère greffier. Sœur Marguerite Marie, disciple du divin cœur de l'adorable Jésus. Enfin, notre Seigneur lui fait lire ce qu'il y a d'inscrit pour elle dans son sacré cœur et lui fait écrire de son sang la donation ci-dessus « Je te constitue héritière », etc. L'autobiographie continue. Après quoi il me dit qu'il prendrait soin de récompenser au centuple tous les biens que l'on me ferait comme fait pour lui-même, puisque je n'avais plus rien à y prétendre. et que, pour récompense à celle qui avait dressé ce testament en sa faveur, il lui voulait donner la même récompense qu'à Sainte Claire de Montefalco, et que pour cela il ajouterait à ses actions les mérites infinis des siennes, et par l'amour de son Sacré-Cœur, il lui ferait mériter la même couronne. Ce qui me donna une grande consolation, parce que je l'aimais beaucoup, à cause qu'elle nourrissait mon âme abondamment du pain délicieux de la mortification et humiliation, qui était si agréable au goût de mon souverain maître. Ce testament était daté du 31 décembre 1678. Presque à la même date, le révérend père de la Colombière, qui venait de se voir frustré de la gloire du martyr, avait, du moins, conquis la palme de confesseur de la foi, injustement accusé et banni d'Angleterre, et reprenait le chemin de la France. Cette disgrâce entrait dans les desseins de Dieu pour reconduire momentanément le saint jésuite dans la petite ville charolaise, à une époque où sa présence était singulièrement opportune. La mère Gréchy avait alors des craintes au sujet de la sœur à la coque. Elle les soumit au père et voici comment il l'éclaira et la rassura. Il me fit connaître qu'il n'hésitait pas de croire que ce qui se passait en cette chère sœur ne fût vraie grâce de Dieu. Mais qu'importe, me dit-il, quand ce seraient des illusions diaboliques, pourvu que cela produise en elle les mêmes effets que font les grâces du Seigneur. Il n'y a nulle apparence à cela, me dit-il encore, parce qu'il se trouverait que le diable, en la voulant tromper, se tromperait lui-même. L'humilité, la simplicité, l'exacte obéissance et la mortification n'étant point les fruits de l'esprit de ténèbres. Si ce retour passager de l'éminent religieux apparaît fut une consolation pour notre sainte, il lui devint aussi l'occasion de manifester une fois de plus sa vertu consommée. Le révérend père, souhaitant parler à sœur Marguerite Marie au confessionnal pour être en particulier, la mère greffier le permit très volontiers. Mais elle apprit bientôt qu'on s'en était fait de la peine. Peine sans fondement et bien puérile à coup sûr, c'est égal. Cette surnaturelle supérieure n'oublia pas de reprendre et mortifier sa fille en plein chapitre à ce sujet. Tout autre qu'elle, avoue la mère greffier, aurait pu faire souvenir qu'elle n'avait pas recherché cet entretien et qu'elle n'y serait allée que pour m'obéir. On m'aurait peut-être dit quelque autre chose de plus, et on n'aurait pas cru avoir tort de se plaindre, au moins avec les meilleurs amis, de mon procédé qui très assurément tenait de l'injustice quelquefois à son égard. Mais bien loin de tout cela en bonne et fidèle ménagère, elle rapportait le tout au profit de l'humilité, de la douceur et de la patience, et jamais n'a fait la moindre représentation de son innocence. Et le père de la Colombière, que pensa-t-il de sœur Marguerite Marie? Le 23 mars 1679, il écrivait à la mère de Sommez. Passant à Paris, je n'ai pu voir qu'une fois la sœur à la coque, mais j'ai bien eu de la consolation en cette visite. Je la trouvais toujours extrêmement humble et soumise, dans un grand amour de la croix et du mépris. Voilà des marques de la bonté de l'esprit qui l'a conduit et qui n'a jamais trompé personne. L'ange de ténèbres avait une haine marquée pour la disciple du cœur de Jésus. « Maudite que tu es, lui dit-il un jour, je t'attraperai, et si je te peux une fois tenir à ma puissance, je te ferai bien sentir ce que je sais faire. Je te nuirai partout. » Désespéré qu'il était de n'avoir pu abuser cette âme ni l'enlacer dans les filets de l'orgueil, il s'en était depuis longtemps pris à son corps, se donnant pour tâche de lui tendre des pièges en tout lieu. D'abord, il la rendait à tout propos d'une maladresse extrême, lui faisant tomber des mains et casser les objets qu'elle tenait. Plusieurs fois, il fut plus méchant encore. Un jour, il la poussa du haut d'un escalier, tandis qu'elle portait du feu dans un vaisseau de terre qui ne se rompit point. La confusion fut pour son ennemi et non pour elle, qui se trouva au bas de l'escalier, sans avoir même rien renversé, ni s'en être fait aucun mal. Naturellement parlant, elle aurait dû se casser les jambes, mais son Saint-Ange était là qui veillait. Elle dit tout simplement « Je sentis mon fidèle gardien qui me soutint ». Le malin ne la laissait presque jamais tranquille, et la poursuivait aux récréations comme ailleurs. À différentes reprises, étant ensemble au chauffoir commun, plusieurs des religieuses virent tout à coup retirer l'escabeau sur lequel la servante de Dieu était assise, sans qu'on s'aperçût son compte. À différentes reprises, étant ensemble au chauffoir commun, plusieurs des religieuses virent tout à coup retirer l'escabeau sur lequel la servante de Dieu était assise, sans qu'on aperçût l'être qui se jouait ainsi d'elle. L'humble sœur tombait alors à terre et reprenait paisiblement son siège. Mais le fait se réitérant un seul jour sur le champ jusqu'à 3 fois, il fut impossible de ne pas reconnaître l'auteur de cette vexation. La sœur de Lyon s'avisa de dire « Il faut que le démon s'en mêle ». À quoi la sœur à la coque ne répondit que par un sourire. Notre Seigneur l'avait prévenu que Satan avait demandé de l'éprouver comme l'or dans la fournaise et qu'il lui avait tout permis à la réserve de l'impureté, mais que pour toutes les autres tentations, il lui fallait être sur ses gardes et qu'elle aurait surtout à subir celle dont le diable avait osé l'attaquer lui-même. Elle en fit la terrible expérience. Il y a une haute leçon cachée pour nous sous les humbles aveux d'une si grande âme. Je souffris pendant ce temps-là de rudes combats de la part du démon qui m'attaquait particulièrement sur le désespoir, me faisant voir qu'une aussi méchante créature que moi ne devait point prétendre de part dans le paradis, puisque je n'en avais déjà point dans l'amour de mon Dieu, duquel je serais privée pour une éternité. Cela me faisait verser des torrents de larmes. D'autres fois, il m'attaquait de vaines gloires, et puis de cette abominable tentation de gourmandise, me faisant sentir des faims effroyables. Et puis, il me représentait tout ce qui est le plus capable de contenter le goût, et cela dans le temps de mes exercices, ce qui m'était un tourment étrange. Et cette faim me durait jusqu'à ce que j'entrais au réfectoire pour prendre ma réfection, dont je me sentais d'abord dans un dégoût si grand qu'il me fallait faire une grande violence pour prendre quelque peu de nourriture. Et d'abord que j'étais sortie de table, ma faim recommençait plus violente qu'auparavant. Ce que voyant, la mère greffier ordonna de cette parfaite obéissance de venir lui demander à manger, lorsqu'elle se sentirait plus pressée de la faim, ce que je faisais avec des violences extrêmes pour la grande confusion que je sentais, rapporte la sainte. Et au lieu de m'envoyer manger, elle me mortifiait et humiliait fortement là-dessus, en me disant que je garderais ma faim pour la contenter lorsque les autres iraient au réfectoire. Après, je demeurais en paix dans ma souffrance. Non seulement notre Seigneur ne voulait pas diminuer la sensibilité ni les répugnances de Marguerite Marie, mais il avait divinement pris ses mesures pour les aviver encore. Il voulait que je fusse dans un continuel acte de sacrifice et que, pour cela, il augmenterait mes sensibilités et mes répugnances, en quelque sorte que je ne ferais rien qu'avec peine et violence pour me donner matière de victoire, même dans les choses les plus minces et indifférentes, ce que je puis assurer avoir toujours éprouvé depuis. De plus, que je ne goûterai plus aucune douceur que dans les amertumes du calvaire, et qu'il me ferait trouver un martyr de souffrance dans tout ce qui pouvait composer la joie, le plaisir et la félicité temporelle des autres, ce qu'il m'a fait éprouver d'une manière très sensible, puisque tout ce qui se peut nommer plaisir me devint un supplice. Une fois, notre Seigneur lui fit entendre qu'il la voulait retirer dans la solitude, non celle d'un désert, mais celle de son Sacré-Cœur, et il lui demanda de jeûner 50 jours au pain et à l'eau, pour honorer son jeûne dans le désert. Elle n'en put obtenir la permission, cette singularité ne cadrant pas avec les usages ordinaires. Alors son époux divin l'assura qu'il aurait comme très agréable qu'elle passât 50 jours sans boire, pour rendre hommage à la soif que son cœur sacré a du salut des pécheurs. La courageuse sœur à la coque commença donc cette pénitence, mais on ne la lui laissa pas achever pour cette première fois. Plus tard, elle eut congé de la recommencer et d'aller jusqu'au bout des 50 jours. Elle passait de même les vendredis sans boire, depuis le jeudi soir jusqu'au samedi matin, ce qui était d'autant plus extraordinaire qu'elle était plus habituellement travaillée d'une soif dévorante. Elle continua longtemps cette pratique jusqu'à ce que la mère greffier, jugeant de son devoir de la lui défendre, lui donna l'obéissance de boire 3 ou 4 fois entre les repas tous les jours. Mais pour obéir et souffrir en tout, Sœur Marguerite Marie s'avisa de boire de l'eau où on lavait la vaisselle et même la lessive. Une sœur l'ayant pris sur le fait en prévint la supérieure, qui sut bien encore en cette rencontre gratifier l'innocente coupable d'une énergique réprimande. La parfaite loyauté de la mère Péronne Rosalie à dépeindre la sévérité de sa conduite envers la servante de Dieu donne à ses récits un charme plein d'une pâle saveur. Nous allons encore en goûter quelque chose. Il est question de la mystérieuse douleur de côté que la sainte portait continuellement et que notre Seigneur lui avait prédit ne pouvoir être soulagé que par la saignée. Je l'ai vue pressée de sa douleur, se tenir en paix, sans demander la saignée, à laquelle nos sœurs et moi aussi avions de la répugnance, parce qu'il la lui fallait faire trop souvent. On s'en prenait à elle, comme si ça avait été un remède attaché à sa fantaisie plutôt que propre à son mal. Elle a eu de bonnes occasions à ce sujet de souffrir et de patienter en silence, comme elle faisait entre Dieu et elle. Moi-même, une fois, je m'obstinais à ne vouloir pas qu'elle fût saignée. On lui fit plusieurs autres remèdes, qui ne servirent qu'à aigrir sa douleur. Elle en vint à un vomissement de toutes sortes d'aliments qu'on put lui donner, même la confection d'hyacinthe. Elle ne refusait rien de tout ce qu'on lui donnait pendant 2 ou 3 jours. Elle ne refusait rien de tout ce qu'on lui donnait pendant 2 ou 3 jours, ni ne se plaignit jamais d'être dans ce pauvre état, faute de lui vouloir faire une saignée. Quand je lui en parlais, ma mère me dit-elle, « Je sais bien qu'il n'y a que ce remède qui me soulage, mais je ne le désire pas, si votre charité ne le veut pas. Parce que mon Jésus vous fait vouloir tout ce qu'il veut pour moi. Je suis bien aise de souffrir tant qu'il lui plaira. » À la fin, le mal l'ayant réduite dans l'état de ne pouvoir presque plus respirer ni parler, et ses vomissements dans une grande faiblesse, je la conduisis à l'infirmerie. Et on ne lui eut pas plus tôt tiré une palette de sang qu'elle reprit la liberté de la respiration et de la parole. Elle se trouva si vigoureuse qu'aussitôt que son bras fut bandé, elle aurait voulu que je lui eusse permis d'aller à la suite de la communauté. Je voulus lui épargner les petites mortifications ordinaires que ce remède lui attirait. Et pour cela, j'envoyais ma sœur, Catherine Augustine, quelquefois la saigner dans sa cellule. Mais notre Seigneur, qui ne voulait pas qu'elle eût cet adoucissement, permit qu'un jour que j'avais usé de cette précaution, elle tomba à cœur failli pendant la Sainte Messe. Et aussitôt, on en devina la cause. Je ne m'étonne point, ni ne m'étonnais point pour lors, de voir tant de petits désagréments à son sujet. Car encore qu'il fût vrai que sa vie était toute de vertu et d'exemple, elle-même avait obtenu par ses instances auprès de notre Seigneur qu'il ne laisserait rien paraître en elle de ce qui serait capable de l'anéantir et humilier. De là venait que tout lui tournait en humiliation et contradiction, et aux occasions qui lui étaient plus sensibles, notre Seigneur lui remettait sa demande en mémoire. Elle avouait que la fille d'Adam souffrait beaucoup en elle, mais celle de Dieu se réjouissait de tout ce qui lui faisait peine, soit au corps ou à l'esprit, de la part de Dieu ou des créatures. Il faudrait pouvoir citer tous les avis que la mère greffier donnait à sa chère fille pour mieux faire admirer la largeur de vue, le sens pratique et la tendresse du cœur que cette grande religieuse possédait, bien que souvent à l'égard de sœur Marguerite Marie, cette tendresse ne fût pas apparente. Dans tous ces petits écrits maternels tracés en hâte au courant de la plume, il y a mélangé les uns aux autres des mots d'une force naturelle incontestable, des décisions d'une netteté sans réplique. Donnons quelques exemples. Je prie Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur Tout-Puissant, de commander à la tempête qu'elle sèche chez vous. Et je vous dis en son nom, demeurez en paix. Votre âme est la part du Seigneur, et le Seigneur est la part de votre âme. Vous mangerez ce que vous aimez et désirez de manger, lorsque la communauté en sera servie au repas ordinaire. Passé cela, vous prendrez patience avec la faim. Humiliez-vous devant Dieu de vos tentations. Fiez-vous en sa bonté et en la charité du cœur sacré de Jésus-Christ. Et ne vous mettez en peine de rien qui puisse vous arriver, car la gloire d'un soldat fidèle, et c'est le signe de sa fidélité, d'être singulièrement haï de l'ennemi mortel de son prince souverain. Et les rois et les princes n'ont pas toujours le pouvoir de garantir leurs soldats de la malice de leurs adversaires. Il n'en est pas de même de notre Dieu, qui ne peut être surpris ni trompé, et qui terrasse quand il lui plaît notre ennemi, et nous en rend victorieuses malgré sa rage et notre faiblesse, que sa divine grâce rend forte à proportion de notre confiance. Je vous mortifierai et humilierai volontiers de bon cœur dans les rencontres, parce que vous avez besoin de ce secours, que c'est charité de vous le donner et que je désire le bien de votre âme, que cela ne vous ôte pas pourtant la confiance de venir à moi ou de m'écrire, selon que vous en aurez le désir et le besoin. Je serai toujours de bonne volonté à vous servir. Votre âme est chère à la mienne, malgré tout ce qui peut vous rendre désagréable, surchargeante et importune. Il faut imiter le Père Céleste qui vous fait des faveurs sans aucun mérite de votre part. L'humble sœur avait sans doute confié, une fois encore à sa supérieure, l'irrésistible et tout surnaturel attrait qui la poussait à désirer la correction. Elle en reçoit cette prudente et charmante réponse. Quant à ce qui est de vous mortifier, je vous donnerai volontiers des bonnes portions de ce pain de l'âme religieuse, si Dieu vous donnait plus de santé, mais vos infirmiers m'abattent le courage, lorsque je voudrais l'élever en faveur de votre fin spirituelle. Dites donc à notre Seigneur qu'il me donne moins de tendresse sur vos maux et à vous plus de santé, ou bien qu'il me dispense de vous traiter comme vos démérites, dans les occasions où vous donnez lieu de vous corriger et humilier. Si l'on vous interroge, il faut répondre alors avec simplicité, selon votre pensée, mais courtement, et puis ne pas réfléchir sur ce que vous aurez répondu, pour connaître s'il a été bien ou mal reçu, parce que ces sortes de réflexions ne peuvent appeler le gland dont l'amour-propre s'engraisse. Le malheur est que l'on ne tue pas à la Saint-Martin, comme les porcs, et qu'il vivra autant que nous. Il n'y a singerie que ce maudit amour de nous-mêmes ne fasse pour faire perdre la sainte simplicité aux âmes qui doivent aimer Dieu en se renonçant sans cesse elles-mêmes. Puisque vous êtes sa Dieu, s'il veut vous imprimer comme une cire molle ou se jouer de vous comme d'une paume, que vous importe. Abondons pour l'amour, abondons par amour et abondons en l'amour de Jésus-Christ. Je crois que c'est ce que Dieu veut de vous parce qu'il aime à nous gouverner et nous-mêmes n'entendons rien à nous conduire. J'ai perdu le commencement de matine pour lire votre écrit et pour y faire ces mots de réponse et vous dire, mon cher enfant, que vous demeuriez en paix au milieu de la guerre qui est chez vous. Celui qui vous l'a fait vous veut sauver et c'est pour ce sujet qu'il vous poursuit. Laissez-vous prendre par lui-même. Non, mamie, je ne veux pas que notre union cesse et quand vous seriez 100 fois pire que vous n'êtes, je la veux toujours continuer. Pendant l'automne de 1679, Sœur Marguerite Marie, brûlant toujours plus de l'amour de son Dieu et sentant que la blessure qu'elle s'était faite en gravant le Saint Nom de Jésus sur son cœur commençait à s'effacer, s'imagina de la raviver à la flamme d'une bougie. Le succès dépassa ses intentions, des plaies se formèrent. La pauvre sœur, à la veille d'entrer en retraite, se vit obligée d'avertir sa supérieure. La mère Griffier répondit qu'elle voulait y faire mettre quelques remèdes pour prévenir tout mal dangereux. Désolation intime pour cet ami de la souffrance cachée. Ô mon unique amour, souffrirez-vous que d'autres voient le mal que je me suis fait pour l'amour de vous? N'êtes-vous pas assez puissant pour me guérir, vous qui êtes le souverain remède à tous mes maux? C'en fut assez. Notre Seigneur se laissa vaincre et promit à sa servante que le lendemain elle serait guérie. L'effet suivit la promesse. Cependant, la sœur Lacocque, n'ayant pu encore rencontrer sa supérieure pour l'en instruire, reçut d'elle un billet lui enjoignant de montrer son mal à la sœur qui lui remettrait l'écrit. Comme notre sainte était guérie, elle se crut dispensée de cette obéissance, au moins jusqu'à ce qu'elle eût raconté le fait à la supérieure, allant la trouver sans retard et lui disant pourquoi elle n'avait pas accompli ce que portait le billet. Si la mère greffier fut sévère et sans miséricorde pour ce délai dans l'obéissance, notre Seigneur le fut bien plus encore. Pendant 5 jours, il relégua la coupable sous ses pieds sacrés, lui apprenant à pleurer et à expier cette désobéissance, mais cela à la manière d'un Dieu offensé. De plus, il lui dit qu'en punition de sa faute, ce nom gravé dont la gravure lui avait coûté si cher ne paraîtrait plus. « Je peux dire que je fis une solitude de douleur, » écrit-elle. Et en fin de compte, la mère Griffier exigea qu'elle montrât son mal à la sœur, bien que tout remède fût devenu inutile, la guérison étant parfaite. Avant d'expérimenter une fois encore la vigueur de la conduite de la mère Griffier, sœur Marguerite Marie avait réellement bien besoin d'être réconfortée par son bon maître. Lui-même ne le savait-il pas mieux que personne. Aussi, un jour de l'Ascension, tandis qu'elle était devant le Saint-Sacrement avec la communauté, pour honorer le moment où notre Seigneur monta au ciel, il lui apparut au sein d'une ardente lumière et s'approchant d'elle, il lui dit « Ma fille, j'ai choisi ton âme pour mettre un ciel de repos sur la terre, et ton cœur me sera un trône de délices à mon divin amour. » Parole capable de noyer dans un océan de douceur divine toutes les amertumes de la terre. Néanmoins, la souffrance conduisit de nouveau notre sainte à l'infirmerie, et le 19 juin 1680, veille de la fête du Saint-Sacrement, elle n'avait pu encore quitter le lit lorsque la mère greffier vint la visiter. La pauvre souffrante lui demande congé de se lever pour aller à la sainte messe. La mère hésite, la sœur reprend de bonne grâce, « Ma bonne mère, si vous le voulez bien, notre Seigneur le voudra aussi et m'en donnera la force. » Alors la supérieure donne ordre à l'infirmière de faire prendre quelque nourriture le matin à la malade et de la faire lever environ l'office pour la mener à la messe. Le soir, sœur Alacoque dit qu'elle souhaiterait bien rester à jeun afin de pouvoir communier, espérant que notre Seigneur lui donnerait assez de force pour cela. L'infirmière y acquiesça, pensant que la mère greffier n'y ferait pas de difficulté et promit d'ailleurs de demander la permission. Hélas, elle s'en oublia jusqu'au lendemain. Ayant fait lever sa malade plus matin qu'il n'avait été convenu, elle sortit par une porte pour aller prévenir la mère greffier, tandis que celle-ci entrait par une autre. Trouvant la sœur levée et apprenant qu'elle était à jeun dans l'intention de communier, sans m'informer de plus de raison, dit la mère, je lui fis une verte correction, lui exagérant les défauts de sa conduite, que je disais être effet de sa propre volonté, manquement d'obéissance et de soumission et de simplicité, etc. En conclusion, je dis qu'elle irait à la messe et qu'elle y communierait, mais que, puisque sa propre volonté lui avait donné assez de force et de courage pour cela, Je voulais aussi commander à mon tour qu'elle n'avait qu'à reporter ses draps de lit à sa cellule et son couvert au réfectoire et s'en aller à l'office quand il sonnerait, s'y ranger et suivant tous les exercices de communauté, 5 mois de suite, sans que, pendant tout ce temps-là, il fût besoin de lui faire aucun remède, ni qu'elle mît les pieds à l'infirmerie, sinon pour y voir les malades et leur rendre service tous les jours, si les infirmières en avaient besoin. Elle reçut ma correction à genoux, les mains jointes, avec un visage doux et tranquille. Et, après avoir ouï mes ordres, elle me demanda humblement pardon et pénitence de sa faute. Et aussitôt, elle commença d'accomplir à la lettre tout ce que je lui avais dit. Notre Seigneur voulut qu'elle obéît en tout, et lui promit la santé pour cela, qu'elle eût bonne dès ce jour-là même, jusqu'à celui de la présentation de Notre-Dame, que s'accomplirent les 5 mois, et auxquels notre Seigneur, acceptant la rénovation de ses vœux, lui renouvela en titre de grâce tous ses maux précédents. Vraiment, en face de la manière d'agir de la mère Gréfi, il fait bon penser qu'elle dira un jour « Je ne lui épargnai pas les corrections, prenant de tout occasion de l'humilier sur les mêmes sujets pour lesquels je l'estimais dans mon cœur. Et encore, je voyais que notre Seigneur la voulait presque toujours à la moisson de la mire, et, soit pour satisfaire à cette sainte fille qui ne respirait que le mépris et la souffrance, soit aussi pour la mettre à l'épreuve, je lui ai donné souvent lieu de contenter son appétit de mortification. » En sorte que toujours mon estime et ma pitié prenaient en moi fortement son parti contre ma propre conduite à son égard. Voilà qui met les choses au point. Au fond, plus la mère se montre impitoyable, plus elle vénère et aime sa fille. Mais voici qui est encore plus remarquable et prouve jusqu'à l'évidence que sans balancer, cette supérieure si expérimentée se conduisait dans les choses les plus graves, d'après les lumières de la sœur à la coque. Il s'agissait de la vocation de Mademoiselle de Lyon, cette fière beauté, qui ne croyait personne digne d'elle sur la terre. Jésus-Christ l'avait vaincue, elle avait accepté de devenir son épouse, mais elle le faisait attendre, et n'entrait toujours pas au monastère. Un matin, sœur Marguerite Marie s'en vint tout extasiée dire à la mère greffier, « Ma mère, notre Seigneur, veut absolument cette âme. Il m'a dit, je la veux, à quel prix que ce soit. » À l'instant même, la mère Gréfier envoya quérir Mademoiselle de Lyon, comme ayant un message à lui faire. Celle-ci se rend à la messe dans l'église du couvent. Un étrange combat se livre en son âme. Cependant, elle passe au parloir où la mère Gréfier et la sœur à la coque lui disent qu'il faut entrer à ce même moment, sans en avertir Madame sa mère, et que c'est la volonté de Dieu. Mademoiselle de Lyon immole toutes ses réflexions, mais elle déclare à une de ses amies qu'elle accompagnait que, si elle voyait le purgatoire ouvert devant elle, elle s'y jeterait aussitôt que séant, tant elle se faisait de violence. Au lieu du purgatoire, ce fut le Tabor qu'elle trouva dans la vie religieuse, y goûtant d'ineffable douceur jusqu'à l'âge de 81 ans. Elle n'oublia jamais qu'elle devait son bonheur, en grande partie, à la sœur à la coque dont elle fut toujours l'intime amie. En une rencontre où la sœur de Lyon avait sacrifié un sermon pour rester auprès de sœur Marguerite Marie, malade à l'infirmerie, la servante de Dieu lui promet qu'elle n'y perdrait rien et que notre Seigneur le récompenserait. Il le fit sur le champ, car sœur à la coque lui dit des choses si merveilleuses de l'amour du cœur de Jésus pour ses créatures et de celui qu'elles doivent lui rendre, qu'elle en resta toute pénétrée d'onction, et plus que s'il lui ouït dix sermons. Marguerite Marie, cette fille de miracle, devait plus d'une fois encore être favorisée de guérisons soudaines et absolument en dehors du cours de la nature. Dans les derniers mois de 1681, la mère Gréfier eut de rechef le mouvement de la faire brusquement sortir de l'infirmerie, où elle était malade d'une grosse fièvre. C'était pour la mettre en retraite selon son rang. Elle lui dit donc, « Allez, je vous remets aux soins de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous gouverne, dirige et guérisse selon sa volonté. » La sainte avoue que cet ordre la surprit un peu, d'autant qu'elle tremblait, alors du frisson de la fièvre. Mais toute joyeuse, elle exécute immédiatement cette dure obéissance, disant « Tout m'est bon ». Pourvu qu'il se contente et que je l'aime, cela me suffit. Elle ne fut pas plutôt renfermée dans sa petite cellule avec lui seul qu'il se présenta à elle. La trouvant couchée à terre, toute transie de douleur et de froid, il la fit relever avec 1000 caresses et lui dit « Enfin, te voilà tout à moi et tout à mon soin. C'est pourquoi je te veux rendre en santé à ceux qui t'ont remise malade entre mes mains. » Et il me redonna une santé si parfaite qu'il ne semblait point que j'eusse été malade. De quoi l'on fut fort étonné, et ma supérieure particulièrement, laquelle savait ce qui s'était passé. Cette retraite s'écoula parmi tant de joies et de délices que l'heureuse solitaire se croyait en un paradis, se voyant comblée des continuelles faveurs, caresses et familiarités de son Seigneur Jésus-Christ, de la Sainte Vierge, de son Saint-Ange et de son bienheureux Père, Saint François de Sales. Son cher maître lui réservait une grâce très particulière. Pour me consoler de la douleur qu'il m'avait fait sentir de l'effaçure de son sacré et adorable nom sur mon cœur, après l'y avoir gravé avec tant de douleur, il voulut lui-même l'imprimer au-dedans et l'écrire au-dehors avec le cachet et le burin tout enflammé de son pur amour, mais d'une manière qui me donna mille fois plus de joie et de consolation que l'autre ne m'avait causé de douleur et d'affliction. Lorsque cette âme avait un doute quelconque, elle allait droit à celui qui est lumière et vérité pour en être éclairée. Elle le rapporte elle-même bien des fois. Citons ce passage. Un jour que le désir de recevoir notre Seigneur me tourmentait, je lui dis « Apprenez-moi ce que vous voulez que je vous dise. » Rien, sinon ces paroles, « Mon Dieu, mon unique et mon tout, vous êtes tout pour moi et je suis toute pour vous. » Elles te garderont de toutes sortes de tentations et suppléeront à tous les actes que tu voudrais faire et te serviront de préparation en tes actions. Dans la vie d'une créature élue, voué par Dieu lui-même à la souffrance et à l'expiation, l'enchaînement surnaturel des maladies ou des accidents douloureux devenait une chose presque naturelle. De fait, notre Seigneur ne laissa exempte de la croix aucune partie du corps de sa servante. Portant déjà une douleur au côté pour honorer le côté percé du Sauveur, elle eut encore le privilège d'honorer son couronnement d'épines par de spéciales douleurs à la tête. Un jour, allant communier, la Sainte Hostie lui parut resplendissante comme un soleil. Notre Seigneur était au milieu, tenant une couronne d'épines qu'il lui posa sur la tête en disant « Reçois, ma fille, cette couronne en signe de celle qui te sera bientôt donnée par conformité avec moi. » Et il se chargea sans retard de lui donner l'explication de ce présent céleste. Elle était alors maîtresse des sœurs du petit habit. Comme elle puisait de l'eau à l'intérieur du cloître, au puits du préau, le seau lui échappa étant plein, et retombant de tout son poids dans le puits, le bras de fer qui sert à faire marcher la roue, allant de grande raideur, la frappa sur la mâchoire. La violence du coup emporta plusieurs dents, tandis qu'un morceau de la joue, gros et long comme la moitié du doigt, pendait à l'intérieur de la bouche. Cette douleur et cette commotion qui durent être excessives ne firent que lui arracher ce cri « Mon Dieu !» Et, sans faire d'autre cérémonie, elle pria une des petites sœurs de lui couper ce morceau de chair. Ses enfants, effrayés, refusèrent. Alors, prenant elle-même ses ciseaux, elle coupa tranquillement la pièce. La plaie qui se forma dans la bouche lui donna bonne matière à souffrir, autant de fois qu'il lui fallait prendre quelque nourriture. De plus, le coup lui causa dans la tempe une douleur qui, après les repas, devenait presque insupportable, pouvant se comparer à une rage de dents. Tout l'adoucissement qu'elle y apportait, écrit la mère greffier, était de sortir des récréations avec congé pour aller faire quelques tours d'allée, jusqu'à ce que cette douleur fût diminuée, qu'elle revenait avec les autres. Lorsqu'il s'agissait de se procurer des souffrances, sœur Marguerite Marie savait bien les demander, mais pour se procurer des soulagements ou du repos, la mère greffier dit qu'il fallait qu'on y pensât pour elle. Cet accident ne fut pas le seul qui consacra par l'onction de la souffrance la tête de notre saint. Elle y reçut encore trois terribles coups, l'un emportant deux cruches d'eau qu'elle tomba sur les degrés qu'elle montait, donnant de la tête contre la pierre de taille. Le second fut une grosse perche qui lui tomba sur la même partie, et le troisième d'un furieux coup qu'elle prit contre un travaux. Mais jamais il n'y avait trop d'épines à sa couronne. Je confesse que je me sens plus redevable à mon souverain de cette couronne précieuse que s'il m'avait fait présent de tous les diadèmes des plus grands monarques de la terre. Et d'autant plus que personne ne me la peut ôter, et qu'elle me met souvent dans l'heureuse nécessité de veiller et m'entretenir avec cet unique objet de mon amour, ne pouvant appuyer ma tête sur le chevet à l'imitation de mon bon maître, qui ne pouvait appuyer la sienne adorable sur le lit de la croix. Cela me faisait sentir des joies et des consolations inconcevables quand je me voyais quelque conformité avec lui. Et notre Seigneur lui apprit alors à unir ses douleurs de tête à celles du divin couronnement d'épines. Demandant au Père Céleste par ce mérite infini la conversion des pécheurs et l'humilité pour tant de têtes orgueilleuses, dont l'élévation a quelque chose de si injurieux à la souveraine majesté.